Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et pour ouvrir l'émission, nous allons faire un petit tour dehors en pleine nature et même en plein nord avec Michel Leboeuf. Michel Leboeuf est l'auteur du livre Le Québec en miettes, notre nature morcelée à l'heure du plan nord qui est paru aux éditions Orina. Et pour ceux qui lisent la revue Sauvage, la revue Nature Sauvage, Michel Leboeuf est aussi, en est aussi le rédacteur en chef de cette revue. Il est aussi l'auteur de plusieurs guides d'identification de la faune à travers le Québec. Donc il connaît bien la nature et il est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Leboeuf. Bonjour Valérie. Alors j'aimerais d'abord vous féliciter car ce livre, Le Québec en miettes, vous a valu de remporter le prix Hubert Reeves 2013. Bon, c'est un prix qui récompense le meilleur livre de vulgarisation scientifique en français paru au Canada. Et ce n'est pas la première fois que vous recevez ce prix puisque vous l'avez déjà eu en 2011 pour votre livre Nous n'irons plus au bois. Oui, c'est exact. Oui, j'ai eu la chance de gagner deux fois. Est-ce que vous avez un secret pour gagner ce prix? Non, on dirait que je suis juste arrivé au bon moment avec la bonne prose. Je pense que c'est des... dans le cas du Québec en miettes, la deuxième fois où j'ai gagné le prix Hubert Reeves, je pense que je suis sur un sujet qui est d'actualité, oui. le développement du Nord. Donc, je pense que ouais. C'est probablement ça aussi qui était d'intérêt, que je pense que comme on dit en chinois, le timing était bon. Oui, il y avait une pertinence assurée là sur ce sujet-là. Puis vous avez parlé de votre prose et ça me fait penser à votre premier livre, Le Québec en miettes, qui était particulièrement écrit comme des petites histoires qui se racontaient, qu'on lisait, qui emmenaient le lecteur au cœur des interactions entre les animaux, les plantes. Donc cette fois-ci, vous nous emmenez dans le Nord, mais en faisant des détours quand même. Je pense qu'au début, vous commencez par nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans les écosystèmes isolés sur les îles. Bien, en fait, c'est ça, le prétexte du livre, en fait, c'est de parler d'un phénomène qui s'appelle la fragmentation des habitats. C'est un phénomène qui est insidieux, qui se produit sous nos yeux tous les jours, mais comme c'est un phénomène qui se produit très lentement, ben on n'en voit pas les effets. Qu'est-ce que c'est la fragmentation? Ben, c'est très simple, c'est le phénomène que d'empiéter sur les milieux naturels puis d'isoler des parcelles d'habitat un peu partout sur la planète. Puis effectivement, on a commencé à s'inquiéter de ces conséquences-là sur la faune puis la flore dans les années 60. Puis en comparant les faunes puis les flores des îles océaniques qui sont des habitats isolés avec des parcelles de nature qui commençaient à être isolées de plus en plus sur nos territoires. Puis c'est ça qu'on s'est aperçu que ben sur les îles, tout est différent. En général, la diversité, la biodiversité est réduite, puis il se passe toutes sortes de choses étonnantes sur le plan de l'écologie qui ne se passent pas sur un continent, par exemple. C'est-à-dire que est-ce qu'elle est plus sensible à un petit changement dans l'équilibre, climatique ou un équilibre ou des interactions entre les différentes espèces? Est-ce que le moindre petit changement va avoir des effets plus importants sur une île que sur un plus vaste territoire? Ben voilà, c'est comme une espèce de laboratoire biologique, dans le fond, où si on modifie un élément, la température, l'introduction d'une nouvelle espèce, ben dans le fond, il se passe des choses, les systèmes réagissent plus vite, les écosystèmes réagissent plus vite, puis de manière plus catastrophique sur un écosystème qui est très vaste, qui est capable de compenser pour des changements ou des micro-changements. Alors, c'est à partir de là, dans le fond, qu'on s'est aperçu que quand on fragmentait des habitats, ben que ça avait des conséquences importantes, puis en Amérique du Nord, on a étudié beaucoup ça dans la zone tempérée sur les oiseaux. Après ça, on s'est mis à s'inquiéter sur dans les zones boréales, puis dans le Nord, un peu plus avec ce qui nous prend au bout du nez. Et donc, ensuite, votre livre nous emmène vers le Nord, justement. Et là, comment se produit la fragmentation des habitats? Parce qu'il n'y a quand même pas énormément de monde qui vit, puis c'était quand même des communautés assez isolées. Donc, ça viendrait de l'exploitation des ressources. Comment se produirait cette fragmentation? Ben c'est ça, voilà, c'est... Dans le fond, on va s'avancer. La première zone d'impact, là, puis là, bon, ça s'appelait le plan Nord avec le gouvernement libéral. Là, ça va s'appeler le Nord pour tous, quelque chose comme ça, avec le gouvernement du Parti québécois et les gouvernements qui vont suivre. Au fond, peu importe le nom que ça va prendre, le développement économique, l'économie, l'exploitation des ressources naturelles nous amène vers le Nord. On va s'y rendre un jour ou l'autre. Dans le fond, l'idée, c'est de ne pas le développer comme on l'a fait dans le Sud, en fragmentant intensivement. Parce que là, évidemment, la première zone là où on va s'attaquer, c'est la forêt boréale ou la taïga, où Par exemple, on a déjà commencé à construire des routes, là, la 167, entre autres, là, qui part de Chibougamau, qui va s'en aller vers les Monts Otis. Ben, ça, c'est un exemple. Là. Il y a des centaines de kilomètres qui vont être construits en pleine forêt boréale. Puis là, on va séparer du territoire en deux. Ben, aussitôt qu'on a ouvert une route, dans le fond, il y a plein de petits chemins secondaires qui sont construits après ça. Puis c'est là que la fragmentation commence. Puis là, on sait de plus en plus, par exemple, dans la zone boréale ou la taïga, qu'il y a des espèces comme le caribou, par exemple, ils sont excessivement intolérants à l'ouverture ou à tout ce qu'ils vont voir d'inhabituel dans leur habitat. Donc, quand c'est linéaire, c'est construit par l'homme, des gazoducs, des routes ou des... peu importe, ils vont, surtout les femelles, quand elles sont enceintes, ben elles vont éviter ces lignes-là. Donc, finalement, on va couper leur habitat, on va couper leur habitat en deux. Puis dans le fond, dans la forêt boréale, oui, l'exploitation forestière qui a diminué un petit peu, c'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout les minières. Dans le fond, c'est surtout l'extraction de minerais qui risque d'être important plus on va être au nord. Peut-être aussi les lignes Hydro-Québec, aussi ces lignes de transport, ça fait quand même peut-être une zone qui est difficile à franchir aussi. Absolument, tout à fait. Puis avec le réchauffement climatique aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on ouvre le territoire comme ça, ben il vient toute une cohorte d'espèces qui montent à la faveur du réchauffement du climat. Puis pour la faune et la flore qui sont installées là, puis qui sont, faut le dire, là, ils sont beaucoup plus fragiles que les espèces du sud parce que il y en a, la diversité est moindre, mais il y a des espèces là-dedans qui sont très, très fragiles. Ben, ils vont subir une compétition intense par des espèces venues du sud. Meilleur exemple, par exemple, c'est le renard arctique, qui est un petit renard tout blanc. Il grille un peu plus en été, mais c'est un petit renard qui est à peu près un des seuls prédateurs dans le nord. Ben, là, on s'aperçoit de plus en plus que le renard roux, qui est notre renard qu'on connaît dans la vallée du Saint-Laurent, ben, monte puis devient un compétiteur sérieux au renard arctique. Donc, à terme, on peut craindre que le renard arctique va, comme on dit en bon québécois, va manger toute une volée. Mais donc là, vous mettez la lumière sur certains phénomènes de fragmentation et les impacts sur la faune. Mais est-ce que ça veut dire que l'exploitation des ressources et la protection des écosystèmes est inconciliable ou est-ce qu'il y a des solutions? Ben, il y a moyen, justement, c'est un peu ça le message du livre, c'est qu'avant de s'en aller dans le nord comme ça, prenons le temps de faire l'inventaire comme il faut de ce qu'il y a comme poche de biodiversité. On le sait, Hydro-Québec, ça fait des années qu'ils font des inventaires dans le nord pour toutes sortes de raisons, pour des projets, etc. On a une bonne connaissance de là où sont ce qu'on appelle des points chauds de biodiversité. En gros, ce qu'on peut dire, c'est avant d'aller s'installer là-bas, prenons le temps de bien regarder ça, de conclure avec d'autres études si on a besoin d'en faire d'autres, puis là de dire, bon, mais là, protégeons le territoire qui nous apparaît le plus sensible. Mais ce qu'on sait dans les faits, c'est que les promoteurs, les gens qui développent, ben, ils sont souvent plus rapides que les fonctionnaires puis les biologistes, fait qu'ils vont s'installer sur un site où en dessous, par exemple, il y a des ressources, des minerais qui sont très précieux, mais on n'aura pas fait l'inventaire de ce qu'il y avait par-dessus. Donc, on va protéger, ou c'est correct de dire on va protéger 50% du territoire, mais si on protège un territoire de moindre valeur, alors qu'on a bousillé les endroits qui étaient de très grande richesse, on aura manqué notre bateau. Oui, donc l'idée, c'est d'avoir un meilleur portrait pour repérer les zones les plus importantes du point de vue de la biodiversité et de protéger ces zones-là de façon prioritaire, d'aller exploiter ailleurs, finalement. C'est ça, tout à fait. On le sait, par exemple, le delta des rivières, les endroits qui sont un peu plus abrités, normalement, ils abritent des biodiversités de flore, de faune plus riches parce que c'est comme des micro-climats dans le nord. Alors, ça, en priorité, on pourrait dire, bon, ben, faisons l'inventaire de ça. Les deltas de rivières où des eaux douces se mélangent avec des eaux salées. Bon, ça aussi, c'est une indication qu'on a des habitats qui sont plus riches. Souvent, le problème, c'est que ces zones-là coïncident avec des endroits où il y a du minerai. Fait que la loi des mines telle qu'elle est rédigée actuellement, ben, le sous-sol est exploitable, mais le dessus appartient à tout le monde. Et à la minière, à tout un pratique, là, entre guillemets. J'aimerais revenir aussi pour une dernière question au titre de vos livres qui sont un peu défaitistes, hein, Nous n'irons plus au bois, Le Québec en miettes. Est-ce que c'est une façon de sonner la sonnette d'alarme? Comment vous voyez notre capacité à nous humains à protéger les écosystèmes? Ben oui, tu sais, c'est sûr que quand on titre un bouquin, c'est pour attirer un peu l'attention sur le propos du livre. Oui, les titres sont tout le temps un peu pessimistes ou négatifs. Vraiment, c'est pour frapper l'imaginaire. Mm-hmm. Mais j'essaie tout le temps, surtout dans celui-là, j'ai essayé d'être plus positif à la fin. J'ai pris la peine d'écrire quatre chapitres là, qui étaient ce qu'on doit faire. Dans le fond, pas de recette miracle, là, mais les choses qu'on doit faire pour essayer de pallier à cette situation-là. Fait, ouais. Dans le fond, le message est positif. Le tiers du livre est positif. J'essaie d'être le plus optimiste possible dans les circonstances, parce que il faut l'être. Là. Puis justement, dans le Nord, c'est le temps de le faire avant qu'il soit trop tard. On a vraiment le temps d'agir. Là. C'est le temps ou jamais de le faire. Il faut juste réaliser que c'est un endroit qui est précieux. Mm-hmm. Puis on a une responsabilité collective, internationale, dans le fond, de protéger ces habitats-là. Alors, on a une grande partie de la forêt boréale mondiale qui est encore vierge, entre guillemets, puis qui nous appartient. Donc, c'est à nous de le protéger. Donc, une sonnette d'alarme, mais aussi des pistes de solutions et quand même un espoir, des pistes d'action pour agir correctement à l'avenir. Là, c'est ça, je comprends bien. Ça. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Leboeuf. Et donc, on va sûrement découvrir tout ça en lisant votre livre. Donc, je rappelle le titre, le Québec en miettes. C'est paru aux éditions Orina. Je vous remercie beaucoup, M. Leboeuf. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Et alors maintenant, pour en connaître davantage sur le Nord, je vous propose d'aller écouter une conférence que donnera demain Valentine Ribadeau-Dumas. Ça se passe à la Ninkasi du Faubourg à 17h. Alors Valentine Ribadeau-Dumas, pour ceux qui sont des auditeurs de longue date de Futur Simple, se souviennent peut-être qu'elle est venue faire un tour à l'émission. Elle est coordonnatrice de Projet Polaire. Elle participe à diverses expéditions scientifiques dans le Nord. Elle travaille aussi à la station de recherche des îles Magan sur les mammifères marins et nous l'avions accueillie à Futur Simple pour nous parler de ses recherches sur les mammifères. Et donc dernièrement, elle est partie à bord d'un voilier pour un long périple qui l'a mené vers les villages de l'Arctique canadien. Dans sa conférence, elle raconte ses rencontres avec les communautés nordiques, leur histoire, leur mode de vie. Elle décrit les écosystèmes polaires, les milieux fragiles, donc peut-être en écho avec le livre dont vient nous parler Michel Leboeuf. Et donc demain, si vous voulez l'écouter, c'est demain à la Ninkasi à 17h. Et maintenant, on va faire vite une petite pause musicale sur CKRL et au retour, on plonge dans le passé de Québec.